Chapitre 25e, le coup de sabre. Paulin Broquet eut un geste de terreur, de désespoir. « Ah, pensa-t-il, c'est là qu'ils ont jeté Darling. »« Qu'avez-vous, cher ami ?» lui demanda Messieden en se rapprochant. Paulin Broquet ne put lui répondre, une diversion heureusement se produisit. Pip, après avoir aboyé et gratté vivement la terre devant la palissade, tout à coup leva le nez, cessa de fouiller le sol et bondit. Il bondit si violemment que la laisse en cuir qu'il retenait se rompit près du collier et demeura inutile dans la main de Pagnose étonnée. Puis à fond de train, le chien s'élança. Pagnose courut après Pip. Ayamaki se mit aussitôt à sa poursuite. Paulin Broquet, soutenant Messieden, partit également dans cette direction. Il est évident que cet événement se passant dans une ville européenne y eût causé une grande émotion. Mais c'était un fait divers quotidien, incident fréquent dans la Chinatown, n'est pas un instant... Le fleuve humain qui s'écoulait par les rues ne se montra troublé. Des gens qui courent, qui se battent, qui se tuent, cela n'a aucune importance pour les Chinois. Un incident de cette vie bouillonnante ne devient intéressant, capital pour le Chinois, que s'il s'agit d'un vol, ne fût-ce que le vol d'une trancheuse de pastèque à un étalage ou d'une banane. Puis plonge à la rue, tourne à l'angle. « La maison de Fuzi, » dit Paulin Broquet. « Je l'ai reconnue, » répondit Messieden. Elle ajouta. C'est bien, mon cher ami, ce que vous et moi nous redoutions. Nous supposions qu'il était l'auteur de ce nouveau crime. Nous le pensions tous deux sans oser nous le dire. Voici que devant nous, ce pauvre chien en fournit la preuve. Dans ce cas, cher ami, dans ce cas, nous savons qui combattre et comment l'atteindre. Pip maintenant se trouvait en haut du double escalier du magasin de Fuzi. Il aboyait comme un furieux. Mais la porte, contrairement à l'habitude, demeurait fermée. « Faut-il l'enfoncer ?» demanda Pagnose à Paulin Broquet en appuyant contre la porte sa rude et solide épaule. « Non, attendez. Frappons. On nous ouvrira peut-être. » Pagnose donna deux coups de poing dans lui qui trembla. « Mais une porte de magasin chinois est solide comme celle d'une forteresse. » Pip, lui, était moins patient. Il n'attendit pas qu'on ouvrit. Il fit le tour de la maison. Si la porte était fermée, une des croisées donnant sur la rue demeurait sous son ventail de fer abaissé. Seul le cadre de papier était baissé. C'est par une petite ouverture faite dans ce cadre de papier qu'un homme de Fuzi surveillait ce qui se passait dans la rue et renseignait son maître. Pip prit son élan, sauta et traversa le cadre de papier comme fait un chien savant au cirque. En route, il rencontra la tête du Chinois. Le Chinois ne put se retirer à temps. Il reçut d'abord tout le poids du corps de Pip, lequel pesait presque autant que le japonais Ayamaki, et il tomba à terre. Pip, tout fier, excité, rendu furieux, roula avec le Chinois. Mais rapidement, remis sur ses pattes, il revint au Chinois et le saisissant à la gorge, lui planta ses crocs d'acier, sa mâchoire de requin dans la peau. Le Chinois passa un mauvais quart d'heure. Je crois même que ce fut le dernier de sa vie de chenapan. Mais presque derrière Pip apparut Ayamaki. Le Japonais n'avait pas été homme de cirque pour rien. Son père, tout en lui enseignant son difficile métier de jongleur, n'avait pas manqué de lui apprendre en même temps à faire des sauts périlleux d'adresse. Cela devait lui servir dans la vie, plus qu'un diplôme de bachelier d'une faculté française. Ayamaki se posta donc sous la croisée par où était entré le chien. Il bondit à son tour, passa à travers le carreau de papier. Une fois dans le magasin, il laissa Pip continuer à s'occuper des Chinois qui criaient, hurlaient, appelaient au secours, et lui, il courut à la porte d'entrée pour l'ouvrir et faire pénétrer ses amis. Ayamaki ne se soucia nullement du poussa Fuzi, qui se démenait sur ses coussins, ni des garçons, des hommes du marchand, qui accouraient à sa sonnerie désespérée. Il ne pensait qu'ouvrir la porte. Malheureusement, il semblait ne pas pouvoir y parvenir. La porte était fermée, tenu par une sorte de loquet formé d'une large bande de fer. En vain, Ayamaki essaya de soulever ce loquet. Il se cassa les ongles sans aucun résultat. De l'autre côté maintenant, Pagnose, ayant compris le travail du japonais, pensait le seconder en appuyant, en donnant des coups d'épaule. Au contraire, chaque fois que le japonais parvenait à soulever un peu le loquet de fer, la secousse, l'ébranlement de la porte, le faisait retomber aussitôt dans la gâchette. Tout était à recommencer. Ayamaki chercha du regard un outil, un objet quelconque, qui lui permit de tenir soulevé ce loquet de fer sans courir le risque d'avoir les doigts écrasés. Il aperçut sur un étalage quelques sabres anciens du Japon, pièces rares, merveilleuses, objets d'art précieux pour riches collections. « Voilà mon affaire, se dit-il, un sabre. » Aussitôt, sans se soucier de la valeur de l'arme, qui dans ce travail de levier pour lequel assurément elle n'était pas fabriquée, risquait fort d'être brisée, tout au moins grandement endommagée, il se saisit du sabre et le revint à la porte. L'âme du sabre offrait un tranchant comme seul en ont ces admirables armes japonaises. Hayamaki pouvait se couper les doigts. Cela ne l'arrêta point. Il appuya le sabre sous le loquet, glissa la lame dans la gâchette et appuya. Le tranchant ne s'émoussa pas, mais la lame était si épaisse, si solide, qu'elle résista à la pesée que lui imprima Hayamaki. Le loquet finit par sortir de la gâchette et la porte s'ouvrit. Elle s'ouvrit au moment précis où Pagnose, furieux, ayant pris de l'élan, fonçait sur le battant pour l'enfoncer. De sorte, Pagnose, ne rencontrant pas de résistance à sa formidable poussée, alla rouler à quelques mètres de là. Il tomba comme une bombe, tête première, sur le gros Fuzzi, et avec lui, s'empêtrant dans les vêtements de soie du marchand, il s'écroula à terre, un peu étourdi, ne sachant pas où il se trouvait, ne se doutant pas de ce qui lui arrivait. Il le sut d'autant moins qu'à ce moment, les commis, les hommes de Fuzzi, sortis on ne savait d'où, apparurent tout à coup. Ils jetèrent sur Pagnose une étoffe solide et souple, l'y enroulèrent, et le maintinrent ainsi à terre ficelé, prisonnier, pendant que précieusement il relevait Fuzzi et le remettait d'aplomb sur ses coussins. Paulin Broquet entra alors, mais pas aussi brusquement que Pagnose, dans la boutique du riche marchand chinois. Il alla à lui. « Qu'as-tu fait de Darling ?» lui cria-t-il, tendant les mains pour prendre Fuzzi à la gorge. « Où as-tu mis l'enfant ?» Fuzzi eut un ricanement. Pour toute réponse, il brandit dans la direction de Paulin Broquet un revolver et fit feu. Ce fut Hayamaki qui reçut le projectile. Il avait pu voir Fuzzi lever son arme. Il donna à Paulin Broquet une poussée pour l'écarter et occupa sa place. Fuzzi, pensant avoir abattu Paulin Broquet, dirigea son arme vers Missidon qui accourait, croyant elle aussi Paulin Broquet blessé. Mais cette fois le coup de feu ne partit pas. Ce fut la main qui tenait le revolver qui vola en air. Hayamaki, d'un coup de sabre qu'il gardait encore, dans un suprême effort, trancha la main, puis il tomba. Fuzzi poussa un cri de douleur épouvantable. Il brandissait son moignon qui saignait effroyablement. « Ma main » hurlait-il, « Ma main !» Il essaya de se lever, de courir après sa main. Mais la main était tombée non loin de Pipe. Et Pipe, ayant fini de secouer son chinois qui ne donnait plus signe de vie, aperçut cette main qu'on semblait avoir jetée près de lui exprès. Il la flaira. Poussant un aboiement de colère, de rage et de joie en même temps, il sauta sur cette main coupée, la prit dans ses mâchoires puissantes. Puis, avec ce trophée, il fit un saut terrible, il bondit à travers le carreau de papier et il s'enfuit, disparut. « Ma main !» cria encore Fuzzi à ses hommes. « C'est la main sacrée, c'est la main qui porte la bague, et le chien l'a volée. Courez après le chien, prenez la bague !» Il s'évanouit, et comme par enchantement, il disparut derrière un rideau de soie de cette maison mystérieuse. Cependant, les hommes qui restaient dans le magasin, car un guet-apens était préparé certainement, demeuraient atterrés. « La bague sacrée volée !» se répétaient-ils comme si un grand malheur les frappait, si une calamité s'abattait sur eux. « La bague sacrée a disparu, a été volée par un chien !» Ils cessèrent de lutter, se rangèrent dans le fond du magasin comme obéissant à une manœuvre, comme attendant terrifier un ordre nouveau. Maintenant c'était Paulin Broquet qui marchait sur eux, le revolver à la main.